a lot special. DJ Dema Fidem, tell them. Uptage. Cure. Sharp and NSE. Contrôle les games, l'on colle au Messi. Chaque même en flex, qu'a dit bon Dieu merci. Don't chat à boy, nous pas qu'à faire concis. Special. Sharp and NSE. Contrôle les games, l'on colle au Messi. Chaque même en flex, qu'a dit bon Dieu merci. Don't chat à boy, nous pas qu'à faire concis. Tell them. Top style, top feeling. Allez, poussi, qu'à mal parler, nous pas qu'à digging. Check en bouteille, on la fume, gardez, check en sin. Pas ni la jeb, pas ni physique, ni en discipline. Bon parasite, ni a des king. Pas moyen big poussi, fat et puis poussi clean. Big up de ma fille, de mi bed up on the thing. Just one moyen light, as on boy, me and my thing. Special, Sharp and NSE. Contrôle les games, l'on colle au Messi. Check les mains flex, qu'a dit bon Dieu, merci. Don't chat à boy, nous pas qu'à faire concis. Special, Sharp and NSE. Contrôle les games, l'on colle au Messi. Chaque lèvre en flex, qu'a dit bon Dieu, merci. Don't chat à boy, nous pas qu'à faire concis. Moi là toujours yo écrit. Madame yo ka fek sans laisser moi yo écrit. Mais les yo devant me pour yo ka bigidi. La matin update ka brille toute poussi. Faya bon dem informa. La matin en microphone c'est pour si mettre à J'ai dit yo qu'on sait qu'on nous pas ni bon taïma. J'ai bien yo brille commencer les malaïtes. Sharp and NSE. Contrôle les games l'on colle au Messi. Chaque lèvre en flex ka dit bon Dieu merci. Don't chat à boy nous pas qu'à faire concis. Sharp and NSE. Contrôle les games, l'on colle au Messi. Chaque lèvre en flex, qu'a dit bon Dieu merci. Don't chat à boy, nous pas qu'à faire concis. Top style, top feeling. Allez, poussi, qu'a mal parlé, nous pas qu'à digger. Check en bouteille, la fume, gardez, check en sin. Pas ni la jeb, pas ni physique, ni en discipline. Bon parasite, ni addicting. Pas moyen big, poussi, fat et puis poussi clean. Big up de ma fille, de mi bed up on the thing. Just one moyen light, a son boy, me and my thing. Special, Sharp and NSE. Contrôle les games, l'on colle au Messi. Chaque lèvre en flex, qu'a dit bon Dieu merci. Don't chat à boy, nous pas qu'à faire concis. Sharp and NSE. Contrôle les games, l'on colle au Messi. Chaque lèvre en flex, qu'a dit bon Dieu merci. Don't chat à boy, nous pas qu'à faire concis. Tell them.